Made in Unity, Soulja Biz, Diverson, Meklo. On est tous là pour représenter l'unité du reggae. Ok. Toutes les infamies qui ne cessent de se réaliser font la réalité qui pourrait nous diviser. Y'a rien qui me rend plus triste que de voir les hommes se flinguer. Il y en a même qui disent que cela pourrait nous sauver. Je ne suis pas fataliste, mais faut quand même se méfier. Car ceux qui prônent l'unité ne sont plus écoutés. On laisse une part au vice, mais que fait-on du respect? Je demande une analyse, qu'on sache où on en est. Quel avenir pour nos fils, idem pour cette société. C'est l'individualisme qui nous fera sombrer. Je ferai bien mes valises, mais je ne vois pas où aller. Made in Unity, c'est comment nous rassembler. Community, on marche en communauté. Pas de secte ici, on te parle bien d'unité. Maintenant on est tous réunis sur la vibration du reggae. Come in this unity and you're feeling Irish. Je te dis community, on marche en communauté. Pas de secte ici, on te parle bien d'unité. Maintenant on est tous réunis sur la vibration du reggae. De compassion mal placée, personne ne veut d'un empire. Vivons dans l'égalité, même si ma porte doit s'ouvrir, je le ferai volontiers. On devrait tous s'accueillir, et ça sans arrière-pensée. Dans les pays les plus pauvres, une assiette est préparée pour le passant qui cherche un endroit où manger, à peine de quoi survivre. Ils le font sans hésiter. Community, oh man, ils savent ce que c'est. Quand je vois ça, je rêve de partir. Dieu sait que je rêve d'y aller. J'ai peur pour notre avenir, il n'y a plus d'unité. Quand je vois ça, je rêve de partir. Dieu sait que je rêve d'y aller. J'ai peur pour notre avenir, il n'y a plus d'unité. Community, on marche en communauté. Pas de secte ici, on te parle bien d'unité. Maintenant on est tous réunis sur la vibration du reggae. Come in this unity and you're feeling Irish. Je te dis community, on marche en communauté. Pas de secte ici, on te parle bien d'unité. Maintenant on est tous réunis sur la vibration du reggae. Un maximum d'amour, un minimum de respect, et cela mane pour toujours. On ne demande que la paix. Regarde notre parcours, vois ce que les hommes ont fait à cause du manque d'amour. Les hommes se sont divisés. Je ne prendrai pas de détour, je dis le fond de ma pensée. Tous ceux qui se battent pour méritent un peu d'unité. Ensemble on savoure les fruits qu'on va récolter. Pas de mauvaises graines dans celles que l'on a semées. Community, on marche en communauté. Seuls des abrutis, pas de croire qu'ils vont nous stopper. On se battra à l'infini, on n'est pas prêt de s'arrêter. Come in this unity and you're feeling Irish. Community, on marche en communauté. Pas de secte ici, on te parle bien d'unité. Maintenant on est tous réunis sur la vibration du reggae. Come in this unity and you're feeling Irish. Je te dis community, on marche en communauté. Pas de secte ici, on te parle bien d'unité. Maintenant on est tous réunis sur la vibration du reggae.